jours, je coule à ma tête de la dentelle de l'aube jusqu'au deuil de la nuit. Je poursuis l'oiseau bleu avec joie et l'éclair. Et s'il le faut, je courrai jusqu'à que ma mort ne s'habille. Quand le soleil brille, s'il le midi, il n'en veut pas s'attirer d'elle et tout en elle me dit que c'est le temps que j'espère, l'offre que j'attends des cieux, celui dont je rêve la nuit, sa cardamome. Je veux celui dont je rêve la nuit, je veux celui dont je rêve la nuit. Je voudrais poser ma tête au creux de son aile, que mes rêves s'éveillent et que ma vie soit belle, que la pureté de son âme et les sourires de son cœur aient effacé de mon esprit la tristesse et les pleurs. Lorsqu'il renaîtra les cendres froides de mon passé, alors tout mon être sera lumière, toute ma vie sera gaieté. Et les enfants pourront bien s'entretuer sans y en tirer. Plus rien pourra monter la clé de la vie et de l'avenir. La clé de la vie, de l'avenir. La clé de la vie et de l'avenir. Quand le soleil brille, c'est mes feux de lumière. Il n'en peut pas sortir d'elle et tout en elle me dit que c'est le don que j'espère, le froid que j'attends des cieux, celui dont je rêve la nuit, cette guerre d'amour. Je veux celui dont je rêve la nuit, je veux celui dont je rêve la nuit. Je veux.